Chapitre 23. L'automate. Ophélie avançait sur la passerelle d'une démarche raide. Elle espérait que les bandages sous son uniforme empêcheraient le sang de refaire surface, au moins jusqu'à ce qu'elle en eût fini avec ce qui l'attendait. Chaque mouvement tiraillait les coupures dans sa chair. Elle n'était pas profonde, mais elle se rouvrait au premier prétexte. En vérité, elle ne ressentait aucune douleur. Elle n'avait à cet instant conscience que d'une seule chose, le globe du secrétarium, face à elle, n'en finissait plus de grandir au fur et à mesure qu'elle approchait. Même le vide qui s'étendait sous ses pieds lui semblait abstrait. Elle allait revoir Thorne. Lorsqu'elle atteignit la porte blindée du globe, Ophélie eut un bref regard par-dessus son épaule vers le transcendium à l'autre bout de la passerelle où Lady Septima avait entré sa clé pour lui ouvrir l'accès. Elle allait revoir Thorne, seule à seule. Ophélie entra dans le secrétarium. Ce fut, comme lors de sa première venue, la même curieuse sensation de pénétrer à l'intérieur d'une réplique miniature du mémorial. Un atrium à l'identique, une coupole à l'identique, des galeries à l'identique et, flottant en apesanteur dans les airs, un globe terrestre en tout point semblable à celui qui le contenait. Ophélie avait beau savoir ce globe décoratif, elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer l'existence d'un autre globe à l'intérieur qui en refermait encore un autre et ainsi de suite, jusqu'à l'infiniment petit. Elle marcha dans la lumière froide des ampoules. La chambre frigorifique réservée à la consultation des documents fragiles se trouvait droit devant. Ophélie était-elle censée s'y rendre directement pour étudier le manuscrit ? Elle serait incapable de se concentrer sur quoi que ce fût tant qu'elle n'aurait pas enfin eu une vraie conversation avec Thorne. Elle promena son regard le long des galeries en étage qui enroulaient leurs anneaux autour de l'atrium. Dans l'hémisphère oriental, les vitrines des collections anciennes étincelaient entre les colonnes. De l'hémisphère occidental du secrétarium s'élevait un concert de cliquetis. C'étaient les milliers de cylindres de la base de données qui tournoyaient sur leur axe, passant en revue les cartes perforées des notices bibliographiques. Alors qu'elle cherchait Thorne, Ophélie sursauta en entendant sa voix juste derrière elle. « Salle de l'ordinateur, dernière galerie à gauche. » L'instruction était venue d'un tuyau acoustique. Ophélie remonta la paroi verticale d'un transcendium. Les ailes de ses bottes sonnaient comme des éperons à chacun de ses pas, des ailes qu'elle était supposée remettre à Sir Henry en même temps que sa démission, si elle ne voulait pas subir les représailles de sa division, mais c'était à cet instant le cadet de ses soucis. Elle allait revoir Thorne pour de bon, cette fois. Elle avait beau savoir que la température des lieux était scrupuleusement maintenue à 18 degrés, Ophélie se sentait comme s'il en faisait 15 de plus. Jamais de sa vie elle n'avait été coquette, et pourtant, elle passa une main nerveuse dans ses cheveux afin d'y mettre bon ordre. Elle récolta quelques éclats de verre dont elle se débarrassa à la hâte. Une fois au dernier étage, elle longea les hautes rangées de cylindres. Leur vacarme mécanique lui écorchait les oreilles. Elle finit par repérer une porte dont les boulons et les joints étanches évoquaient l'entrée d'une cabine de sous-marin. En fait de cabine, Ophélie découvrit un vaste bureau tout de bois et de cuivre et, au fond de ce bureau, un dos. Le dos de Thorne. Il se tenait assis sur un tabouret pivotant, un casque radiophonique sur les oreilles, face à une immense console criblée de trous. C'était l'ordinateur, la seule machine au monde capable d'interroger une base de données. Thorne ne cessait de déconnecter et de reconnecter un enchevêtrement de câbles, abaissant un commutateur ici, en relevant un autre là, tel un instrumentiste qui exécuterait la plus alambiquée des partitions. Ophélie toqua à la porte pour annoncer sa présence, mais Thorne ne parut pas l'entendre. Elle avait peur de le déconcentrer. Elle avait peur tout court. Peur de ce qui se passerait ici quand enfin ils pourraient l'un et l'autre laisser libre cours à leurs véritables émotions. Elle avait peur, oui, mais elle n'aurait voulu être nulle par ailleurs. Reportant son attention autour d'elle, Ophélie remarqua que la salle de l'ordinateur était à peine plus accueillante que les galeries industrielles du secrétarium. Il n'y avait aucun siège où s'asseoir à part le tabouret de la machine, rien d'attrayant à regarder hormis des étagères surchargées de documents, de papiers perforés et d'une collection de cadrans horaires. Cette fusion parfaite de l'austérité et de l'organisation n'était vraiment pas sans rappeler l'intendance du pôle. Thorne fit soudain pivoter son tabouret, consulta le ruban jaune qu'une machine mécanographique venait de perforer et actionna le poussoir d'un microphone. « La référence demandée est note numéro 8.174. Fonds des travaux publics 1S067. À vous. » Alors qu'une voix minuscule répondait dans son casque, il remarqua la présence d'Ophélie et lui signala d'un geste la porte étanche qu'elle s'empressa aussitôt de verrouiller. À chaque tour de manivelle, le ronronnement assourdissant de la base de données au dehors se fit de plus en plus lointain jusqu'à devenir inaudible. Le silence fut bientôt absolu dans la pièce. « L'apprenti virtuose vient d'arriver, » annonça alors Thorne. « J'ai des directives à lui donner. Je reprendrai le traitement des requêtes bibliographiques dès que ce sera fait. Terminé. » Il coupa le microphone, ôta le casque, puis retourna enfin son tabouret. Son immobilité fut si soudaine et si prolongée qu'Ophélie se demanda s'il attendait d'elle une quelconque initiative, quand elle réalisa qu'il était en train de la détailler méticuleusement, de la tête aux pieds. Il s'attarda sur le galon de son uniforme et les ailes épinglées à ses bottes. Ce regard acéré lui donnait l'impression que ses coupures se rouvraient l'une après l'autre sous les bandages, au fil de son examen. « Pourquoi êtes-vous à Babel ?» Un R croqué comme de la glace, des consonnes dures comme de la pierre. Thorne avait retrouvé l'accent du Nord. Il avait posé sa question avec une articulation lente et méthodique. Quand Ophélie réalisa que c'était bien à elle et non à Eulalie qu'il s'adressait, elle perdit tous ses moyens. « Je ne supportais plus de rester chez mes parents. » Pour une réponse idiote, c'était une réponse idiote. Thorne demeura de marbre sur son tabouret dans l'expectative. La gorge d'Ophélie tambourinait si fort qu'il lui semblait que son cœur s'était logé dedans. Elle se sentait pareille à un entonnoir. Si violentes que fussent les émotions qui lui mettaient le corps en ébullition, quand arrivait le moment de les exprimer, il n'en ressortait toujours qu'un pitoyable goutte à goutte. « J'ai été étonné de trouver en vous la remplaçante de l'apprenti, Médiana, » reprit alors Thorne. « Un peu plus que cela, même. » Ophélie eut vraiment du mal à le croire. Son visage fermé ne laissait rien filtrer. « Dans ce cas, nous sommes deux. Si j'avais su que vous étiez le fameux Sir Henry, j'aurais... »« Vous pourriez être Dieu. » La coupa Thorne. Elle fut complètement prise au dépourvu par cette remarque. Ses mains devenues molles laissèrent tomber les notes de Médiana qu'elle avait apportées avec elle et qui se répandirent à ses pieds dans une avalanche de papier. « Vous croyez que moi, que je suis... »« Vous auriez pu l'être. Je l'aurais pu également. Dieu connaît nos visages. » C'était d'une telle élémentarité qu'Ophélie eut honte de ne pas y avoir pensé par elle-même. « Vous dites vrai. Heureusement pour nous, Dieu est un piètre imitateur. Si vous m'aviez accueilli avec le sourire, je vous assure que je me serais méfié. » Thorne n'émit aucun commentaire. Ophélie avait espéré détendre l'atmosphère avec sa boutade, mais ce fut un échec complet. Ses retrouvailles étaient un échec complet. Ce n'était pas du tout censé se passer ainsi. Elle devait absolument dire quelque chose de plus intelligent, trouver enfin les bons mots, maintenant. Tac, tac. C'était la montre à gousset. Ophélie se fit pincer les doigts en essayant de l'extirper de sa poche. Voici un témoin au-dessus de tout soupçon qui devrait vous convaincre que je ne suis pas Dieu. Ophélie eut honte de sa voix vacillante. Depuis l'instant où elle était entrée dans cette pièce, elle se comportait comme une fillette effarouchée. À l'époque où elle ne connaissait pas Thorne et où elle avait toutes les raisons de le redouter, elle n'avait pas éprouvé la moitié de l'appréhension qui la nouait en ce moment. Cet homme avait ouvert en elle une brèche qui la rendait insupportablement vulnérable, et il ne faisait rien pour la mettre à l'aise. Il se mit debout. Ce mouvement osseux déroula son interminable colonne vertébrale et arracha un grincement d'acier à sa jambe. Ophélie le préférait encore assis. Elle était suffisamment intimidée comme ça, elle n'avait vraiment pas besoin de se sentir écrasée par sa taille. Thorn récupéra sa montre sans ébaucher un seul pas vers elle, de loin et du bout des doigts. « Elle n'est pas à l'heure, » s'excusa Ophélie. « Elle a passé tout son temps à vous chercher. Je ne suis pas une experte en psychologie horlogère, mais elle reprendra certainement ses esprits maintenant qu'elle vous a trouvé. » La montre fit claquer son couvercle encore et encore. Thorn la considéra d'un air sceptique, comme s'il doutait d'avoir jamais eu un quelconque lien d'appartenance avec un objet aussi tapageur. Si Ophélie avait espéré l'émouvoir avec ça, c'était raté. « Comment se porte ma tante ?»« Oh, en fait, je n'ai pas revu Bérénilde depuis que les doyennes m'ont rapatrié sur Anima, mais j'ai eu quelques nouvelles. Vous pouvez compter sur elle pour faire face et pour attendre votre retour. » Crut-elle bon de préciser avec un sourire maladroit. Ophélie s'abstint de toute allusion à l'épisode de la Rose des Vents. Il aurait fallu pour cela mentionner Archibald, et la dernière chose qu'elle souhaitait, c'était mettre Thorn de mauvaise humeur. On ne pouvait pas dire qu'il débordait d'enthousiasme pour le moment. « Mon retour !» répéta-t-il. « Les choses ont changé au pôle. Farouk a changé. Je suis sûr que vous pourrez un jour rentrer chez vous la tête haute et enfin plaider votre cause. » Ophélie avait affirmé cela avec conviction, dans l'espoir que ces mots-là, au moins, atteindraient le cœur de Thorn. Il se contenta de fermer son poing autour de sa montre pour en faire taire les tac-tac incessants. « Êtes-vous venu seul à Babel ?»« Oui. » Ophélie s'efforça de ne surtout pas penser à l'écharpe en ce moment. « N'y a-t-il aucun risque que les doyennes découvrent votre présence ici ?»« Je crois. » « La couverture de l'apprenti Eulalie est-elle solide ?» J'ai des papiers. Sa réponse fut recouverte par un épouvantable crissement d'acier. Thorn avait voulu changer de position, mais la mécanique qui servait d'exosquelette à sa jambe s'était bloquée en plein mouvement. Il s'agrippa de justesse à la console de l'ordinateur pour ne pas perdre l'équilibre. Je peux me débrouiller seul, dit-il en voyant Ophélie amorcer un geste. Le ton était sans appel. Alors qu'il se penchait pour dégripper le mécanisme à l'arrière du genou, Ophélie en profita pour l'observer plus attentivement. Elle prit soudain note d'un étalage de détails qu'elle aurait relevé plus tôt si elle n'avait pas été à ce point obnubilée par sa propre nervosité. Thorn avait changé lui aussi. Le pli incrusté entre ses sourcils s'était creusé davantage. Ses cheveux avaient perdu du terrain, rendant son front plus vaste encore qu'il ne l'était auparavant. Sa figure était si pâle que ses balafres s'en détachaient à peine. Et il y avait cette forte odeur d'alcool pharmaceutique qui se dégageait de lui, à croire qu'il désinfectait consciencieusement chaque centimètre de peau, de vêtements et de métal. Et pourtant son corps entier semblait électrifié par une puissante énergie, une détermination d'une telle intensité qu'elle en était presque palpable. Thorn débloqua le mécanisme de sa jambière dans un crissement effroyable, puis il se redressa de toute sa hauteur. « C'est à votre tour, si vous avez des questions. »« Sans rapport avec ma jambe, de préférence. » Ophélie se contracta, bien sûr qu'elle en avait. Elle en avait même tellement qu'elle ne savait par où commencer. Elle ne put retenir un regard vers l'emblème solaire épinglé à la chemise de Thorn. « Je me sers de luxe autant que luxe se sert de moi. » La devança-t-il. « J'ai été incapable de me mesurer à Dieu en m'attaquant à lui de l'extérieur. J'ai revu toute ma stratégie en conséquence. » « En devenant lord de vous-même ? Ce sont donc tous des complices de Dieu ?»« Comme le sont vos doyennes sur Anima, et comme l'a été le clan de ma mère, au pôle. Un peu plus que cela, même. Lux possède une influence et des moyens considérables. Ces lords sont les tuteurs par excellence. Ils tiennent leur esprit de famille en laisse, et ils ont fait de la cité de Babel le modèle que Dieu voudrait appliquer à chaque arche. » Ophélie déglutit. Un monde où il faudrait continuellement surveiller ce que l'on dit et ce que l'on fait n'était pas un endroit pour les maladroites de son espèce. « Cela a dû être un tour de force d'intégrer leur rang, » murmura-t-elle. « Comme tout ce que vous avez accompli depuis votre évasion, en fait. » Thorn jeta un coup d'œil à sa montre et, constatant que toutes les aiguilles pointaient vers lui, il se tourna vers les innombrables pendules de la salle, comme s'il cherchait à chronométrer leur temps de parole. « C'est une longue histoire. Sachez au moins ceci. Je suis à Babel en raison des indices que vous m'avez fournis en prison. Et je suis devenu Sir Henry grâce aux généalogistes. » « Les généalogistes ?» s'étonna Ophélie. « Vous en parliez la dernière fois avec les 10 Septima, et vous n'aviez pas particulièrement envie d'avoir affaire à eux. » Un frémissement parcourut la mâchoire de Thorn. Ce fut le premier signe d'émotion qu'il manifestait depuis le début de leur conversation. Ce signe-là, Ophélie savait l'interpréter. Elle l'avait si souvent surpris par le passé, chaque fois que Thorn s'efforçait de la protéger de ses propres secrets, qu'elle fut soulagée de le voir à nouveau. Cet homme allait redevenir l'ours bourru qu'elle avait appris à connaître. Il lui ordonnerait de rentrer sur Anima, de ne plus se mêler de ses affaires, de le laisser affronter seul le danger. Et elle, elle avait la ferme intention de s'imposer à lui. « Thorn, je resterai à Babel, que vous le vouliez ou non. Quoi qu'en disent les 10 Septima, ils se trament des choses ici. » Des choses vraiment troublantes. Je ne saisis pas encore ce que vous manigancez, mais avant que vous ne vous opposiez à ma décision, sachez que j'ai... Je ne m'y opposerai pas. La réponse avait été si immédiate qu'Ophélie avala sa salive de travers et son beau discours dégénéra en quinte de toux. Je suis d'accord avec vous, surenchérit Thorn. Il se trame des choses ici. J'ai besoin d'un regard à l'extérieur du secrétarium, et vous, d'un regard à l'intérieur. Nous aurions tous les deux à gagner d'une collaboration. Cela vous convient-il ? Ophélie hocha la tête avec raideur. Elle aurait dû se réjouir, mais le détachement de Thorn, cette façon qu'il avait de purger leur conversation de tout sentimentalisme, la faisait se sentir de plus en plus creuse. Sur la console de l'ordinateur, le casque radiophonique émit un chuchotement indiquant que quelqu'un essayait de rétablir une communication. C'était la voix de Lady Septima. « Le microphone est coupé, » dit Thorn en voyant Ophélie reculer. « Elle ne peut pas nous entendre. »« Est-ce qu'elle sait qui vous êtes vraiment ?»« Personne ne le sait, à part les généalogistes. » J'ignore si Lady Septima connaît l'existence même de Dieu, mais elle est convaincue de servir une belle et noble cause. Seuls les généalogistes sont initiés à toute la vérité. Ce sont les lords les plus puissants de luxe, tellement puissants, en fait, qu'ils ne tolèrent plus l'idée de devoir rendre des comptes à Dieu. C'est le seul dénominateur commun que je partage avec eux. Ajouta-t-il avec un dégoût qu'il ne parvint pas à dissimuler. « Mais il m'a permis de m'infiltrer dans leur rang. Ils m'ont cousu de toutes pièces une nouvelle identité, faisant de moi un respectable citoyen de Babel. Puis, ils m'ont placé à la tête du secrétarium. Dieu ignore, bien sûr, ma présence ici. Nous devrons, vous et moi, nous montrer vigilants. Et ne jamais trahir notre passé devant les autres, ce qui inclut les généalogistes. Ils s'allient avec moi uniquement parce que je peux leur être utile. Ils ne verraient pas d'un bon œil votre intrusion dans leurs petites affaires. Mais pourquoi vous ont-ils confié le secrétarium ? Insista Ophélie. Qu'est-ce que la base de données du catalogue et les groupes de lecture ont à voir avec leurs petites affaires ? Ils ont tout à voir. Les généalogistes m'ont chargé de retrouver un document bien particulier. Le manuscrit que traduisait Mediana ? Ça, ce sera à vous de me le confirmer. Je ne vous en dis pas plus, afin de ne pas biaiser votre jugement. Il me faut un regard neuf. » La voix de Lady Septima se fit plus forte dans le casque à coups de halo insistant. Thorne reprit place sur son tabouret avec une rigidité mécanique, mais il n'enclencha pas encore le microphone. Il ouvrit un tiroir et en débobina un ruban de papier perforé qui cascada jusqu'au sol. « Ne perdons pas davantage de temps, » dit-il en le tendant à Ophélie d'un geste énergique. « Voici une liste de références bibliographiques. Je vous invite à consulter tous ces livres, sans exception dans les plus brefs délais. Ils vous seront utiles pour votre expertise. » Puis, ignorant le visage décomposé d'Ophélie, Thorne remit de l'ordre dans l'imbroglio de câbles de l'ordinateur avec un sens maniaque de la méthode. S'il semblait peu à l'aise sur ses jambes, ses mains avaient, elles, une précision de flèche. « Vous devriez vous rendre sans plus tarder dans la chambre froide, » recommanda-t-il. « Le manuscrit vous attend et Lady Septima jugerait inadmissible que vous n'ayez pas déjà commencé votre travail. Préparez-vous à ce qu'elle soit sur votre dos. Nous envisagerons de nous voir seuls quand sa vigilance se sera relâchée. À ce moment-là, et à ce moment-là uniquement, je vous donnerai de plus amples informations. » Thorne s'était exprimé avec un débit de machine à écrire, sans remarquer l'effet que ses paroles produisaient sur Ophélie. Sur ses lunettes en particulier, elles avaient complètement jauni. « C'est-à-dire, j'envisageais de quitter la bonne famille. » Thorne fit alors lentement pivoter son tabouret vers elle. Rien dans sa physionomie n'exprimait de la désapprobation, et pourtant, Ophélie se sentit soudain glacée jusqu'à l'os. « Il me sera plus facile de vous seconder ainsi, » assura-t-elle en entortillant le ruban perforé. « Le conservatoire est très contraignant et me laisse peu de liberté d'action. C'est surtout un prétexte pour accéder au secrétarium, mais puisque vous êtes là, vous pourrez me faire entrer en cachette, non ?» Le regard de Thorne, aussi fixe et perçant que celui d'un aigle, fit perdre à Ophélie ce qu'il lui restait de contenance. « Non. Votre position est beaucoup plus intéressante au sein de la compagnie des avant-coureurs, et elle le sera davantage encore lorsque vous deviendrez aspirante virtuose. » Ophélie était estomaquée. Il parlait de cela comme s'il s'agissait d'une simple formalité. Elle fut tentée un instant de mentionner les menaces, les chantages et les bris de verre, mais elle y renonça. Elle ne voulait pas paraître faible face à Thorne. Pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore, un fossé s'était creusé entre eux. Elle ne lui permettrait pas de s'agrandir davantage. « C'est entendu, » dit-elle en rangeant le ruban dans sa poche d'uniforme. « Je poursuivrai mon apprentissage au conservatoire et j'expertiserai ce manuscrit. » À son grand dépit, Thorne ne laissa transparaître aucune marque de satisfaction. « Vous me remettrez un rapport écrit de vos avancées, comme l'apprenti Mediana le faisait avant vous. N'oubliez pas de ramasser ceci avant de partir. » Il signala les notes de traduction qui étaient restées éparpillées sur le parquet, puis il reprit ses connexions et ses déconnexions de câbles comme si la conversation était close. « C'est tout ?» murmura Ophélie. « Vous n'avez rien d'autre à me dire ?»« Si, » marmonna Thorne sans s'interrompre dans ses branchements. D'ici à ce que l'on découvre ce qui est réellement arrivé à Miss Silence et à l'apprenti Mediana, évitez de vous isoler. Restez toujours auprès de vos condisciples. Leur entourage sera votre meilleure protection. » Ophélie réprima un rire nerveux. Elle s'agenouilla, ignorant de son mieux la douleur que chaque geste ravivait sous ses bandages. Quand elle eut fini de rassembler les feuilles, elle s'aperçut que Thorne ne bougeait plus. Voûté sur son tabouret, il tenait son casque radiophonique sans se décider à l'enfiler. Ses gantelets de métal luisaient sous les ampoules de l'ordinateur. « Et vous ? » finit-il par demander à son tour. « Vous n'avez rien d'autre à me dire. » « Des choses à lui dire. Ophélie en aurait eu des milliers. Aucune ne franchit ses lèvres. Parler au dos de Thorn était encore plus difficile que lui parler en face. Comme elle ne répondait pas, il mit son casque sur ses oreilles. « Vous refermerez derrière vous. » Une fois sortie de la salle de l'ordonnateur, Ophélie s'immobilisa au milieu du tintamarre des cylindres. Elle mordit son gant de toutes ses forces, étouffant le sanglot qui menaçait d'exploser entre ses côtes. « Au fait, je vous aime. » Où étaient-ils passés ces cinq mots maladroits que Thorn lui avait soufflés à l'oreille, juste avant de disparaître de sa vie? L'absence avait-elle suffi à les effacer comme de la craie? Ophélie s'essuya résolument les yeux. Non. Le plus important, c'était de l'avoir retrouvée. Le reste serait une affaire de temps, pour lui comme pour elle. « Au travail !» murmura-t-elle en prenant la direction de la chambre froide.